Ce singulier personnage mit assez de bouffonnerie dans ses dernières paroles pour qu'elles ne puissent être comprises que de Rastignac et de lui. Quand la maison fut évacuée par les gendarmes, par les soldats et par les agents de la police, Sylvie, qui frottait de vinaigre les tempes de sa maîtresse, regarda les pensionnaires étonnés. « Eh bien, dit-elle, c'était un bon homme, tout de même. » Cette phrase rompit le charme que produisait sur chacun l'affluence et la diversité des sentiments excités par cette scène. En ce moment, les pensionnaires, après s'être examinés entre eux, virent tous à la fois Mademoiselle Michonneau, grêle, sèche et froide autant qu'une momie, tapis près du poêle, les yeux baissés, comme si elle eût craint que l'ombre de son abat-jour ne fût pas assez forte pour cacher l'expression de ses regards. Cette figure, qui leur était antipathique depuis si longtemps, fut tout à coup expliquée. Un murmure, qui par sa parfaite unité de son, trahissait un dégoût unanime, retentit sourdement. Mademoiselle Michonneau l'entendit et resta. Bianchon, le premier, se pencha vers son voisin. « Je décampe si cette fille doit continuer à dîner avec nous, » dit-il à demi-voix. En un clin d'œil, chacun, moins Poiré, approuva la proposition de l'étudiant en médecine qui, fort de l'adhésion générale, s'avança vers le vieux pensionnaire. « Vous qui êtes lié particulièrement avec Mademoiselle Michonneau, » lui dit-il, « parlez-lui, faites-lui comprendre qu'elle doit s'en aller à l'instant même. »« À l'instant même ?» répéta Poiré étonné. Puis il vint auprès de la vieille et lui dit quelques mots à l'oreille. « Mais mon terme est payé. Je suis ici pour mon argent comme tout le monde, » dit-elle en lançant un regard de vipère sur les pensionnaires. « Qu'à cela ne tienne, nous nous cotiserons pour vous le rendre, » dit Rastignac. « Monsieur soutient Colin, » répondit-elle en jetant sur l'étudiant un regard venimeux et interrogateur. « Il n'est pas difficile de savoir pourquoi. »